Je l'entends comme je l'aime, par François Noudelman. Sait-on que l'écrivain et philosophe Jean-Jacques Rousseau était aussi musicien ? Son engagement dans la querelle des bouffons est resté célèbre par sa défense de l'opéra italien contre la tragédie lyrique française. Mais Rousseau ne fut pas seulement un musicologue passionné, ferraillant avec Rameau. Il jouait de plusieurs instruments, de la flûte, de l'épinette, du violon. Il enseigna la musique et copia des milliers de partitions. Il inventa même un système de notation. Il composa des chansons et un opéra-ballet, Le Devin du village. Certes, ses œuvres n'ont pas connu un franc succès, et pourtant, il s'est longtemps pensé comme un musicien avant d'être un philosophe. La musique fut bien davantage qu'une activité autonome, car elle a inspiré à Rousseau de profondes réflexions sur l'origine du langage et sur le rôle social de la mélodie. Jouer, composer, commenter la musique conduit sur les terrains de l'anthropologie et de la politique. Les nombreux textes écrits par Rousseau sur la musique sont les moins lus et pourtant ils offrent une clé pour comprendre ce que signifie parler, écrire, vivre ensemble. Je l'entends comme je l'aime se consacre aujourd'hui au musicien philosophe Jean-Jacques Rousseau avec deux spécialistes de son œuvre, le philosophe André Charrac, maître de conférence à l'université de Paris 1, et le musicologue Pierre Sabi, professeur à l'université de Lyon 2. Rousseau jouait. Pierre Sabi, est-ce que vous pourriez nous parler de ce qu'il entendait à l'époque ? Alors peut-être Alessandro Scarlatti, qu'on vient d'écouter. Est-ce qu'il jouait ces pièces-là ? Quel instrument aussi jouait-il ? Alors, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il jouait de l'épinette, il jouait de la flûte. Sur la façon dont il a appris à jouer de ces instruments, j'ai l'impression qu'on ne sait pas, on ne sait pas grand-chose. Il dit surtout quels étaient ses goûts musicaux et la façon dont il s'est quasiment tout seul formé à la lecture musicale et un peu à la composition, notamment dans son premier séjour à Chambéry et aux Charmettes auprès de Madame de Varins, avec quelques musiciens qui se trouvaient là. Dans les confessions, il évoque le chant, il évoque sa tante qui chantait, et c'est en quelque sorte cette voix, d'une certaine manière, qui le porte vers la musique d'abord. Et je crois que c'est important parce qu'après, on voit combien la mélodie et le chant ont une importance. Bien sûr, la mélodie et le vocal, et la musique vocale en particulier. Et tout de suite pour dire que ça l'apaisait. Oui, probablement, en référence, comme vous venez de le dire, à des souvenirs d'enfance, et aussi parce que et cela rentre en résonance avec sa pensée qui se construit à ce moment-là, dans laquelle la voix est quelque chose de Et on voit à quel point c'est quand même important dans sa jeunesse, dans son enfance, puisqu'il il étudie la musique à Annecy, à Chambéry, mais il l'enseigne aussi très vite. Très vite, il compose, mais il fait passer aussi cet apprentissage. Il y a une pédagogie tout de suite qui se met en place. Oui, enfin, on ne sait pas très bien si c'était efficace. Rousseau est un peu manie un peu l'ironie à son propre égard lorsqu'il parle des leçons qu'il donnait aux demoiselles de Chambéry, puisque Madame de Varins lui avait trouvé ce type de travail. Oui. André Charac, quelle importance doit-on accorder à cette formation musicale de Rousseau par rapport à l'ensemble de son œuvre ou à sa philosophie ? L'investissement intellectuel et professionnel de Rousseau dans la musique précède en réalité le moment où il découvre ou nomme ce qu'il a à faire en philosophie, c'est-à-dire essentiellement philosophie politique. Ses contributions sur la musique, les systèmes de notation dont on reparlera, son intérêt pour le système de Rameau, tout cela vient avant son anthropologie en réalité. Et il s'agit pour lui, assez rapidement, d'un moyen de se faire un nom dans la philosophie de son temps, dans la philosophie des Lumières. Les premières interventions de Rousseau, avant le second discours, avant l'illumination de la route de Vincennes, sont pour diffuser les principes de la théorie musicale réformée par Rameau, pour rédiger les articles de musique de l'encyclopédie. Donc, dans un premier temps, c'est une façon pour lui, il se le reprochera assez pour qu'on puisse le dire dans ces termes un peu crus, de faire carrière dans la philosophie de son temps. Il a écrit de nombreux articles sur la musique et qui ont été regroupés aussi dans le dictionnaire sur la musique. Donc il a été aussi connu comme celui qui pouvait parler de musique par les encyclopédistes, non ? Pierre Saly. Absolument, puisque d'Alembert lui a demandé d'écrire les articles sur la musique pour l'encyclopédie. Mais alors, est-ce que ce sont vraiment des articles de dictionnaire ou bien y a-t-il quand même une sorte d'engagement où, en quelque sorte, Rousseau dit ce que doit être la bonne musique ? Il me semble qu'il y a déjà un engagement au moment des articles de l'encyclopédie. Ensuite, cela mûrit et ce que Rousseau reprend de l'encyclopédie dans son dictionnaire de musique est plus articulé et plus polémique et profondément fondé à ce moment-là, il me semble. Alors, on en vient évidemment à cet aspect polémique qui est le plus connu sans doute, avec la querelle des bouffons. Revenons un petit peu sur cette affaire et l'opposition entre musique italienne et musique française, mais aussi entre langue italienne et langue française. Je vous propose d'abord d'écouter un compositeur que Rousseau affectionnait particulièrement, Pergolèse. Thank you. C'était bien sûr le fameux Stabat Mater de Pergolèse. Dans sa lettre sur l'opéra italien et français, en 1742, Rousseau définit les règles qui unissent la musique et la poésie. C'est encore assez, on pourrait dire, assez équilibré. Il distingue l'italien et le français, mais en vantant bien sûr surtout les italiens. Et puis, peu à peu, on a l'impression que ça se radicalise. Pergolèse est affiché contre Rameau. Il y a de plus en plus de méchanceté sur les récitatifs trop lents de Rameau ou le tintamarre. Comment expliquer cette radicalisation, André Charac? La querelle des bouffons en 1752, on le sait, est déclenchée par la production de la Serva Padrona de Pergolèse à Paris. Il se trouve qu'elle a déjà été jouée quelques années auparavant, sans que cela provoque quoi que ce soit dans les milieux intellectuels ou artistiques, aucune réaction spéciale. Ce qui se passe jusqu'en 1752, il y a différents éléments. Le premier, on a, avec le recul et compte tenu de l'importance de la figure de Rousseau, de la figure de Diderot, un peu de mal à prendre conscience de l'importance de la réforme ramiste de la théorie musicale. C'est un événement intellectuel et théorique majeur. Rameau a publié de 1722 à 1736, en gros, une série de traités très importants par lesquels il réforme la théorie musicale. Cet effort de rationalisation intéresse les encyclopédistes qui tâchent de s'associer la figure de Rameau comme participant au mouvement de clarification, de rationalisation qu'ils associent aux Lumières. Bon, c'est un échec. C'est un échec, et lorsque Rousseau publie ses articles qui, en réalité, exposent le système de Rameau avec des aménagements de détails dans l'encyclopédie, Rameau réagit très vigoureusement, critique, condamne, se moque assez lourdement des maladresses des encyclopédistes. Il y a également d'Alembert. Hein. Rousseau fait des tentatives en musique, d'autre part. De la même manière, elles sont, je ne parle pas du devin du village, mais des tentatives par lesquelles il a pu rencontrer Rameau auparavant, la princesse de Navarre. Ça se passe très mal. C'est sûr. Ça se passe très mal, et avec Rameau et avec Voltaire. Oui, oui. Au fond, on a deux époques qui en réalité se succèdent. C'est-à-dire qu'un premier 18e siècle est celui de Rameau et de Voltaire, et un deuxième qui est celui des encyclopédistes et de Rousseau. Pourrait presque penser, André Charac, quand même, qu'il y a ici une blessure narcissique profonde de Rousseau d'avoir été rabroué par Rameau. Alors, ce n'est pas du tout pour dévaloriser ensuite les attaques intellectuelles et la querelle, mais malgré tout, on peut se dire qu'à l'origine de cette violence contre Rameau, il y a ce mépris qu'il a reçu de celui à qui il proposait une composition. Il y a chez Rousseau toujours, mais jusqu'au terme de son œuvre, un problème de rapport à autrui et de reconnaissance. Mmh. Elle lui est refusée le plus violemment du monde par Rameau et Voltaire. En outre, Rousseau, d'Alembert, éprouve le besoin d'exposer de manière plus claire le système de Rameau. C'est un système révolutionnaire à bien des égards, mais exposé de manière très confuse, avec des postulats théoriques très anciens, obsolètes. Les encyclopédistes tâchent de clarifier tout cela et sont critiqués dans leur entreprise par Rameau. Et puis enfin, il y a le fait que la tragédie lyrique, c'est par excellence l'art de la monarchie absolue. Oui, la tragédie lyrique, donc française, hein. Voilà. Oui, bien sûr. Pierre Sabie, alors, dans la lettre sur la musique française, Rousseau a des mots très durs pour dire en quelque sorte qu'il n'existe pas de musique française, que c'est un aboiement continuel, que c'est insupportable à toute oreille non prévenue. Enfin, il y a des mots quand même assassins. Oui, absolument. Comment comprendre? Alors, là, c'est un état déjà élaboré de la pensée de Rousseau, parce que la lettre sur l'opéra italien et français à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure a été dans les années 40, donc au milieu 42. Des années 40, brutalement interrompu par Rousseau. La rédaction n'en est pas achevée. Ça coïncide avec l'incident des Muses Galantes. Rappelons alors les Muses Galantes. C'est un opéra-ballet de Rousseau qui a été présenté chez le fermier général le riche de la Poplinière en présence de Rameau. Et Rameau s'est effectivement moqué absolument de Rousseau à ce moment-là. De plagiat. Alors que d'ailleurs, je relisais dans quelques passages des Confessions, il évoque le moment où il compose les Muses galantes, mais avec une exaltation. Hein. Il dit, voilà, je m'enferme chez moi la nuit. Je suis exalté. Il est complètement passionné par les quelques partitions qu'il a écrites. Et donc, on s'imagine effectivement combien la déception doit être forte. Bien sûr. Mais alors, dans cette lettre-là, il était encore très admiratif, au moins de certains éléments de l'esthétique musicale française. Il ne disait pas tout le mal qu'il a dit ensuite du chœur, par exemple, dans l'opéra français. Et il reconnaissait les qualités. Et puis, il y a un brusque retournement qui coïncide, qui témoigne de l'évolution d'une pensée, mais qui coïncide avec des épisodes biographiques comme ça. Alors, faisons grâce quand même à cette musique française. Écoutons précisément une pièce de Rameau, extraite de Dardanus. Donc, c'est dirigé par Marc Minkowski. C'est l'acte 2, la scène 3. On écoute donc Dardanus. Son effet, le succès passe mon espérance. Prenez ce don mystérieux, vous allez sous mes traits appuyer tous les yeux. Mais le destin a borné ma puissance. Si vous l'osez quitter, n'espérez plus en moi. Le charme cesse et le péril commence. Tel est du sort l'irrévocable loi. Obéis au roi des enfers, tout à peine des cercles. Dardanus de Rameau, Marc Minkowski, c'est un enregistrement Radio France. Mais que peut-on reprocher à une œuvre pareille, aussi belle, André Charac? C'est un cas intéressant, Dardanus, parce que les philosophes, les penseurs du coin de la reine, c'est-à-dire les adversaires de la musique française, vont en faire une cible toute spéciale. Niaiserie du livret. Le livret est mauvais. C'est un des grands problèmes que Rameau rencontre et qui suscite beaucoup de critiques. À dire le vrai, les livrets italiens ne sont pas à ce point supérieurs qu'on serait tout à fait convaincu, mais les livrets de Rameau sont souvent mauvais et Rameau est assez indifférent à l'intrigue. Il demande quelque chose du livret, ce qu'il appelle des situations bien caractérisées auxquelles, en quelque sorte, sa musique s'accroche, sur lesquelles elle prend prise. On en a un bon exemple dans la version de 1744, dans un monologue qui s'intitule « Lieu funeste ». Mais qui est assez indifférent à la construction dramatique du livret. Rameau reproche à cette musique d'être, alors il l'a dit, baroque. Baroque, ça veut dire au fond illisible. Une musique trop complexe, une harmonie trop pleine, oui, et une voix que Rousseau tient pour au fond inintelligible. Oui. Si vous voulez bien, sortons de cette querelle, même si elle est fameuse, pour essayer d'approcher la passion de Rousseau pour la musique. Je crois que ce serait bien de commencer par revenir à certains textes où il évoque justement son goût pour la musique, et précisément pour la musique italienne, en relisant les Confessions. Donc, je suis tombé sur ce merveilleux passage, plusieurs merveilleux passages, où il évoque sa découverte de la musique à Venise et sa fréquentation de l'opéra, hein, parce qu'il était secrétaire d'ambassade à ce moment-là, et il profitait un petit peu des loges. Alors, il expliquait justement que dans ces loges, on parlait, on mangeait, mais lui préférait s'enfermer pour écouter, voire dormir, et puis se réveiller avec un air absolument merveilleux. Et il y a un moment où il dit aussi qu'il fréquente 4 scuole. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sont des écoles, en quelque sorte, où on fait chanter des jeunes filles. Et il y a un passage, alors, André Charac, si vous avez la gentillesse de lire ce passage, je crois qu'on pourra effectivement apprécier aussi le style de Rousseau. Oui, et s'agissant de sa pensée de la musique, en réalité, le fond y est, le plus important y est. Tous les dimanches, à l'église de chacune de ces 4 scuole, on a durant les vêpres des motets à grand chœur et en grand orchestre, composés et dirigés par les plus grands maîtres de l'Italie, exécutés dans des tribunes grillées, uniquement par des filles dont la plus vieille n'a pas 20 ans. Je n'ai l'idée de rien d'aussi voluptueux, d'aussi touchant que cette musique. Les richesses de l'art, le goût exquis des chants, la beauté des voix, la justesse de l'exécution, tout dans ces délicieux concerts concourt à produire une impression qui n'est assurément pas du bon costume, mais dont je ne doute qu'aucun cœur d'homme soit à l'abri. Ce qui me désolait était ces maudites grilles qui ne laissaient passer que des sons et me cachaient les anges de beauté dont ils étaient dignes. Je ne parlais d'autre chose. Un jour que j'en parlais chez Monsieur Leblon, « Si vous êtes si curieux, me dit-il, de voir ces petites filles, il est aisé de vous contenter. Je suis un des administrateurs de la maison. Je veux vous y donner à goûter avec elles. » Je ne le laissais pas en repos qu'il ne m'eût tenu parole. En entrant dans le salon qui enfermait ces beautés si convoitées, je sentis un frémissement d'amour que je n'avais jamais éprouvé. Monsieur Leblon me présenta l'une après l'autre ces chanteuses célèbres dont la voix et le nom étaient tout ce qui m'était connu. Venez Sophie, elle était horrible. Venez Katina, elle était borgne. Venez Bettina, la petite Vérole l'avait défigurée. Presque pas une n'était sans quelque notable défaut. Le bourreau riait de ma cruelle surprise. Deux ou trois cependant me parurent passables. Elles ne chantaient que dans les chœurs. J'étais désolé. Durant le goûter, on les agaça, elles s'égayèrent. La laideur n'exclut pas les grâces, je leur en trouvais. Je me disais, on ne chante pas ainsi sans âme, elles en ont. Enfin, ma façon de les voir changea si bien que je sortis presque amoureux de tous ces laiderons. J'osais à peine retourner à leur vêpre, j'eus de quoi me rassurer. Je continuais de trouver leur chant délicieux et leur voix fardait si bien leur visage que tant qu'elle chantait, je m'obstinais en dépit de mes yeux à les trouver belles. Ce passage vraiment merveilleux. C'est un passage absolument, si vous me le permettez, fascinant, parce que tout y est. Qu'est-ce qui attache Rousseau à cette musique ? La volupté. Hein, la volupté. Rousseau se dit extraordinairement voluptueux, inféodé à sa sensibilité en réalité. Et que décrit ce passage ? Au fond, ce que doit faire la musique. C'est-à-dire que l'impression physique, alors celle de la laideur de ces petites filles ou celle de l'harmonie, l'impression physique est convertie en toute autre chose par l'impression morale. On ne chante pas ainsi sans âme. Et le fond de la pensée musicale de Rousseau est celui-ci, c'est-à-dire que les sons ne valent pas par leur impression, l'impression physique qu'ils produisent, les consonances, les accords. Cette impression, la sensibilité physique, le goût physique, dit Rousseau ailleurs, est converti en toute autre chose par l'investissement de l'âme dans cette expérience. On se dit aussi qu'évidemment, il était sensible aux voix, à la voix humaine, et précisément à la mélodie. Il y a justement un texte important qui s'appelle « L'origine de la mélodie ». Pierre Sabi, alors en quoi est-ce un enjeu fort de défendre la mélodie contre l'harmonie ? Parce que c'est le langage du cœur, c'est le langage des sentiments qui va directement au cœur, sans le truchement de l'intellect, de la science musicale, qui investit au contraire les procédés techniques d'élaboration, de la polyphonie, de l'harmonie, etc. Mmh. Et la mélodie, en tant que langage musical articulé, eh bien, a une origine commune avec la langue, dont elle se distingue par la suite, mais c'est le langage du cœur. Mmh. Le chant intérieur, donc, qui vient du cœur, c'est une forme de cri de la nature. De la nature, qu'en pensez-vous? C'est une imitation du cri de la nature. C'est ça. C'est une première dérivation. Hein. Oui. C'est-à-dire oui. que ça suppose l'idée de l'effet que ma voix produit sur autrui et de l'effet que la sienne produit sur moi. Mmh. Il y a forcément ce mécanisme de communication affective. Mmh. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je suis frappé en tout cas à propos de ce texte sur l'origine de la mélodie par son évocation d'un temps premier. On connaît aussi cette hypothèse qui vaut pour évoquer les peuples, je cite, les peuples assemblés qui se mirent à chanter d'un ton sublime les dieux qu'engendraient leur imagination échauffée. Et il y a un enthousiasme premier qu'il évoque lorsque justement tout le monde était à l'unisson d'un chant, d'une mélodie. Il évoque aussi donc cet applaudissement universel dans ce texte. Ça, c'est assez frappant. Et là, on voit bien comment on est dans une philosophie de l'adhésion première. André Charac, donc, on pourrait dire que là, sa réflexion musicale sur la mélodie, en fait, se trouve au fond d'une pensée anthropologique et politique. Oui, le chant réalise une communion affective. Alors, étendue à tout un peuple c'est assez étroit hein, dans l'image que se fait Rousseau des peuples anciens, hein, c'est une petite cité, étendue à tout un peuple, c'est une manière de, pour les citoyens en réalité, hein, de se représenter et de vivre leur adhésion à une communauté. Hein. Dans toute mélodie pour Rousseau, toute authentique mélodie, il y a cette dimension de communication, de communion affective, pardon. Alors, il s'agit des chants des anciens, et puis il s'agit tout simplement du processus de la composition, hein, c'est-à-dire que c'est ce mouvement que le génie accomplit, et c'est dans ce mouvement de la part de l'auditeur que je connais une authentique expérience esthétique. On a parlé de la passion de Rousseau pour justement ses chants à travers les scolés et ces jeunes filles qui sont grillagées. Mais Rousseau est aussi compositeur, vous l'avez évoqué à propos des Muses galantes, mais venons-en à cette œuvre, c'est celle qu'on connaît généralement, qu'on écoute, plus ou moins d'ailleurs, mais on va la réécouter, c'est Le Devin du village, cet opéra-ballet, et l'air de Colette, J'ai perdu tout mon bonheur. J'ai perdu mon serviteur. charmante, imprudente bergère, ne crains-tu point les mots que j'éprouve en ce jour? Alors, c'était l'orchestre de Louis de Froment et c'était l'air de Colette chanté par Jeannine Michaud. Après d'autres interprétations, je lisais que même Marie-Antoinette chanta ce rôle de Colette. Est-ce vrai, Pierre Sabi ? Oui, c'est une œuvre qui a eu immédiatement un succès énorme. Ah, c'était un tube alors. Énorme à la cour. Ah, bon. Et ensuite, à l'Opéra de Paris, l'œuvre a été reprise maintes et maintes fois, jusque même en 1829. Bon, c'est une œuvre passionnante. Hein. Ah oui, c'est passionnant. Une œuvre passionnante. Bon. Quand même, tout à l'heure. Quelques aspects qu'on l'a. Bon, alors, défendez-la parce que tout à l'heure, on évoquait le fait que les livrets n'étaient pas très, très raffinés ou un peu simplistes chez Rameau. Alors là, franchement, l'histoire, c'est quand même un petit peu pauvre. Bien sûr, c'est Colin et Colette, ça n'est pas Iphis, Castor voilà. ou Dardanus. Voilà. Mais la bergère qui voit son Colin s'en aller, il faut rappeler. Hein, il part, voilà, et puis le devin. C'est une histoire de dépit amoureux et voilà. Le devin qui réconcilie les amants. En inventant une sorte d'amant fictif. Voilà, c'est ça, en suscitant la jalousie. Voilà. Et voilà. L'amour croit s'il s'inquiète et il s'endort s'il est content. Voilà, bon. Alors Pierre Sabi, faites-vous le défenseur de cette œuvre. Mais écoutez, c'est une œuvre intéressante, mais je disais par quelques aspects qu'on l'aborde, si on prend la poétique du livret, le personnage central est celui du devin. Le devin fait finalement référence à ce qui est le fond de la poétique de l'opéra français versaillais, c'est-à-dire le merveilleux. Mais Rousseau s'applique à désamorcer cela. C'est-à-dire qu'immédiatement, on comprend que le devin n'a aucun pouvoir surnaturel, qu'il ne devine rien, simplement il observe et il est là en espèce de conseiller, sinon matrimonial, du moins des conseillers des âmes simples. Et il emploie un langage simple et tout le monde le comprend. Bon, d'accord. Alors, mais la musique ? La musique, on voit à l'œuvre cette esthétique de la simplicité. C'est hybride aussi parce qu'on a entendu du récitatif qui est un récitatif à la française. Et Rousseau a écrit qu'on ne pouvait pas faire de la musique sur la langue française et il fait cet intermède du devin du village. Mais sur la langue française, que pouvait-il faire d'autre que d'écrire du récitatif français ? En revanche, les airs, c'est la mélodie, c'est la simplicité et c'est effectivement une esthétique qui est sous influence italienne, si l'on veut, mais qui est surtout une esthétique de la simplicité. D'accord. À l'œuvre partout. Bon. Alors, un aspect aussi qu'on doit évoquer à propos de Rousseau, c'est le fait qu'il copiait, hein, il a copié énormément de partitions, et qu'il aussi a conçu une notation musicale originale. Il a voulu chiffrer la musique. Et pour qu'on comprenne un petit peu l'originalité de ce projet, il serait peut-être bon de revenir à l'histoire de la notation. Et pour cela, eh bien, Agnès Ollier va nous expliquer un petit peu quels étaient les ressorts pour transcrire les sons et les musiques. Bonjour François. Alors oui, on sait que Rousseau a été assez innovateur, on le croit, pour avoir chiffré la musique. Pourquoi ? Parce qu'il voulait gagner du temps, il était un copiste. Ouais. Et les copistes, écrire des partitions prennent énormément de temps, surtout pour chaque pupitre. Et on sait combien le métier de copiste a été important dans l'histoire de la musique. Et on sait que Rousseau a survécu financièrement dans ce début parisien grâce au métier de copiste. Et... moi, je vous propose un voyage dans le temps pour pouvoir comprendre une question qui est toute simple, c'est comment on est arrivé à l'écriture, tout simplement, de la musique, l'alphabet de la musique. Alors, pour cela, il faut revenir à la rencontre de trois traditions. C'est le monde gréco-romain qui avait un écrit quand même très important, puisqu'on sait que les Grecs avaient même un système de notation avec une écriture même alphabétique, mais que peu de musiciens utilisaient. On a le monde celtique et gaulois avec une transmission orale, et on a aussi une transmission orale par rapport au monde judéo-chrétien. Les mélodies n'étaient pas enseignées note à note, mais dans une conception de mode, d'échelle qui variait de région en région. Alors, il faut parler évidemment du christianisme qui va jouer un rôle de stabilisateur, de fédérateur, puisque les chrétiens ont gardé l'habitude de la prière judaïque. Et on parlait très bien auparavant de la volupté de Rousseau pour la grâce de la voix, de cette sensation universelle de transport qu'est la voix. Et Saint Jérôme écrivait « Ce n'est pas la beauté de la voix qui plaît à Dieu, c'est la pureté de l'intention, même si l'on chante faux. » Alors. Isidore de Séville, qui est un des premiers théoriciens de la musique, va constater déjà que dans le Moyen-Âge, les sons se meurent puisqu'ils ne sont pas encore écrits. Il faut le noter. Et les premières partitions seront des aides-mémoires, je dirais plutôt mélodiques, qui sont des poèmes acrostiches qui s'articulent en fait autour du texte puisque le texte reste prépondérant et le texte va donner en fait, grâce aux syllabes, un rythme, une pulse, et jusqu'à la première tentative de notation qui vont être les neumes. Alors les neumes. Alors qu'est-ce que c'est que les neumes ? Alors les neumes, voilà. Ils apparaissent timidement, disons, au milieu du 9e siècle jusqu'à le milieu du 10e siècle, et cela pour une raison purement politique, il faut le noter, parce qu'il y a un manque d'unité dans le monde chrétien, et on a une inflation, on pourrait dire, d'ordonnances à cette époque. Il faut fédérer le monde chrétien. Mais qu'est-ce que c'est que les neumes ? Alors, ce sont, disons, je dirais des vrais tableaux de lecture. D'accord. C'est un texte avec, juste au-dessus, on a des accents grammaticaux, en fait, des petites barres inclinées qui montent, qui descendent, avec des points. Donc, il n'y a pas de hauteur absolue encore. Mais cela donne une idée de dynamique et de hauteur relative. D'accord. Alors ensuite, et ensuite, on a les points liés. Il faut arriver entre le 10e et le 12e siècle, on a l'écriture en points liés, où on a le début de la portée. Alors, il faut retenir un nom, c'est Guy d'Azzaro, à qui on doit énormément dans l'écriture musicale, puisqu'il a préconisé une forme de portée, donc avec ces cinq lignes que l'on connaît aujourd'hui, et aussi, il a donné le nom des notes, puisque do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça ne vient pas de nulle part, et peut-être que vous vous souvenez de vos cours de solfège, mais c'est d'un poème écrit en 770 après Jésus-Christ, et qui dit « Ut quate resonare mia ». Voilà, je ne vais pas vous le lire, mais on a « Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do » qui apparaît. Alors Agnès, est-ce qu'on peut en venir peu à peu à justement cette... De la modernité. À la modernité et cette originalité, ce qu'a apporté, ce qu'a voulu apporter Rousseau. Voilà. Oui, alors... Et on va prendre conseil aussi, bien sûr, de nos musicologues. Oui, parce que la modernité, en fait, va venir à partir du 9e siècle par un besoin de précision. Et la précision, c'est la polyphonie. Pour que les voix puissent chanter ensemble, il faut qu'elles se situent beaucoup plus précisément. Donc, à partir du, disons, du 13e siècle, je dirais, grâce notamment à un très grand théoricien qui est Philippe de Vitry, qui est presque le père de la notation moderne grâce à son Ars Nova, il va non seulement nous aider à travers la portée, à préciser les valeurs des temps. On va avoir la noire qui va naître. Les brèves vont exister, les minimes. Et puis, jusqu'en 1501, où là naît vraiment la naissance de l'imprimerie musicale. Alors Rousseau, Pierre Sabi, en quoi propose-t-il un système complètement original ? Il propose de simplifier l'accès à la lecture musicale par la simplification de la notation. Ça passe à ses yeux par le remplacement de la notation surportée par un système de chiffres complété par une série de signes, des points supérieurs, inférieurs, des barres. C'est un système, donc ça date de 1741, ça, le projet de nouveaux signes pour la musique. Puis après, il y a la dissertation sur la musique française en 1943, qui est lue devant l'Académie des sciences par Rousseau. C'est un système qui convient, et il le dit d'ailleurs lui-même, qui convient particulièrement à la notation d'une ligne de chant avec une basse, ou bien même à la notation impromptue de quelque chose qu'on entend, et très peu à la musique polyphonique. D'accord. Alors ça rentre parfaitement en phase avec les conceptions par ailleurs de Rousseau. Alors on va écouter un morceau précisément qui pourrait être noté, chiffré de cette façon-là, puisque c'est une ligne de chant, et c'est une curiosité, enfin j'avoue en tout cas pour moi c'en est une, c'est une chanson parmi celles que Rousseau a écrites, donc dans le recueil des Consolations. Et on va écouter donc cette chanson de Rousseau, Les Pantouflettes. Elle avait pris ses pantouflettes qui vont faisant cric et crac. Elle avait pris ses pantouflettes qui vont faisant cric et crac. Elle s'est mise à la fenêtre voir si son ami ne vient pas. Et pensez-vous qu'il ennuie, oh là là, qu'il ne l'ennuie pas. Oh, pensez-vous qu'il ennuie, oh là là, qu'il ne l'ennuie pas. Elle s'est mise à la fenêtre voir si son ami ne vient pas. Elle s'est mise à la fenêtre voir si son ami ne vient pas. Hélas que les nuits sont longues quand les amis n'y sont pas. Et pensez-vous qu'il ennuie, oh là là, qu'il ne l'ennuie pas. Oh, pensez-vous qu'il ennuie, oh là là, qu'il ne l'ennuie pas. Sa mère est là, à la fenêtre, elle entend ce discours-là. Sa mère est là, à la fenêtre, elle entend ce discours-là. Taisez-vous, petite sotte, votre père le saura. Et pensez-vous qu'il ennuie, oh là là, qu'il ne l'ennuie pas. Oh, pensez-vous qu'il ennuie, oh là là, qu'il ne l'ennuie pas. Taisez-vous, petite sotte, votre père le saura. Taisez-vous, petite sotte, votre père le saura. Ma mère, oh ma bonne mère, savez-vous ce qu'il y a? Et pensez-vous qu'il ennuie, oh là là, qu'il ne l'ennuie pas. Oh, pensez-vous qu'il ennuie, oh là là, qu'il ne l'ennuie pas. Ma mère, oh ma bonne mère, savez-vous ce qu'il y a? Ma mère, oh ma bonne mère, savez-vous ce qu'il y a? Si vous êtes à votre aise, tout le monde n'y est pas. Et pensez-vous qu'il ennuie, oh là là, qu'il ne l'ennuie pas. Oh, pensez-vous qu'il ennuie, oh là là, qu'il ne l'ennuie pas. Bon, André Charac, c'est une surprise. Oui, je ne connaissais pas cette curiosité. Chanson. Oui, oui. On va peut-être, parce que le temps nous presse, et revenir à des questions aussi anthropologiques, philosophiques, politiques, et à un texte important, très important, qui a été là aussi largement commenté, l'essai sur l'origine des langues, mais qui nous ramène justement à cette idée que c'est la vocalisation qui est à l'origine de la langue, et que justement ces voix qu'on entend, ce chant, eh bien, il exprime des passions, et toute une conception de la nature se trouve là. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, André Charac, sur ce lien entre la réflexion musicale et la réflexion linguistique chez Rousseau? En un sens, tout tient au titre que Rousseau avait envisagé de donner à son essai. L'essai sur l'origine des langues devait être accompagné le second discours, et puis il a été perfectionné par Rousseau, qui ne lui a pas donné de publication indépendante, mais en a distribué des extraits dans le dictionnaire de musique, dans les mythes. Le titre est fascinant. Essai sur l'origine des langues et sur le principe de la mélodie. Dans les mythes, quand Rousseau cite l'essai sur l'origine des langues, il le désigne sous le titre de principe de la mélodie. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on juxtapose donc une enquête généalogique sur l'origine des langues, enquête qui recourt à des fictions. Rousseau n'affirme pas atteindre une origine positive. Bon. une enquête généalogique et puis une enquête théorique, une enquête de principe. Ce qui indique bien que la musique a une fonction de laboratoire dans l'examen de l'origine des langues et qu'à l'inverse, l'examen de l'origine des langues doit nous instruire sur la vocation de la musique. Rousseau s'oppose à une doctrine en son temps, suivant laquelle les langues naissent de l'expression des besoins. Il considère que les besoins dispersent les hommes plutôt qu'ils ne les réunissent, et il affirme quant à lui, c'est un peu compliqué mais peu importe, que ce sont les passions qui sont à l'origine des langues. Vous parliez tout à l'heure du cri de la nature, du cri passionné de l'homme de la nature, ce n'est pas encore du chant. Ce qui est requis pour que ça devienne du chant, c'est qu'il y ait conscience de l'effet, je le disais, que ce cri produit sur autrui. À ce moment-là, nous avons affaire au chant et à une première mélodie, mais il est une imitation. Ça n'est pas une immédiateté absolue. Hein. C'est une imitation, une conscience de cette communication. Pourquoi est-ce que la musique est un laboratoire ? Pourquoi est-ce que l'essai sur l'origine des langues est un essai sur les principes de la mélodie ? Ben parce que Rousseau hérite d'une grande question qui occupait les classiques bien avant lui, qui est de comprendre comment la voix de chant et la voix parlée se sont séparées. Et la musique, là, lui fournit un laboratoire. Ce laboratoire, c'est le récitatif. Le récitatif qui rendrait lisibles certaines dispositions, au fond archaïques, de la voix qui sont distribuées entre voix de chant et déclamation. Il y a aussi un effet moral et social de la musique qui entraîne la sympathie. J'évoquais tout à l'heure l'enthousiasme premier de ces peuples qui chantaient à l'unisson. Et là, on peut se dire effectivement que pour lui, aussi dans sa pensée sociale, il y a une inspiration musicale, comme quand il évoquait dans ses conseils pédagogiques le fait qu'il fallait écouter l'instrument ensemble. Et vous évoquez aussi l'effet produit sur l'autre. Et on voit bien comment la musique, me semble-t-il, participe de cette sympathie collective. La musique est associée aux sociétés anciennes, on l'a dit, et puis elle rend lisible en réalité l'état du corps social. Dans la lettre sur la musique française de 1752, Rousseau donne de l'orchestre français une description qui est en réalité presque une métaphore de l'état, ce n'est plus un état, mais du pays de la France monarchique, parlant du chef d'orchestre, le caprice d'un seul qu'il impose à tous les autres, sans que ceux-ci comprennent quoi que ce soit du caprice qu'il aurait administré, en quelque sorte. Donc, c'est un spectacle, et comme tout spectacle, ça nous instruit sur l'état d'une société, mais de manière beaucoup plus importante, la possibilité d'un chant commun, c'est la possibilité de l'adhésion à une communauté. Toute musique doit-elle chanter ? Est-ce que cette idée rousseauiste a eu de l'avenir, a encore de l'avenir ? On sait bien effectivement qu'au 19e, le chant a pris une grande importance aussi dans la musique italienne, notamment. Pierre Sabi. Alors, la façon dont Rousseau pose une opposition entre science, intellect, élaboration musicale et expression, spontanéité du sentiment, etc., cela irrigue de façon évidente tout le discours sur la musique après Rousseau. Il n'est que de voir, par exemple, comment dans les textes critiques qui émergent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, puis évidemment dans le XIXe, les textes critiques sur la musique, les concerts spirituels par exemple, cette thématique-là, science versus expression, affleure constamment. Et il y a vraiment une postérité, jusque dans une forme de sensibilité collective aujourd'hui, je crois, lorsque on reproche spontanément, sans forcément aller voir vraiment et rentrer dans le fond des choses, on reproche à un musicien comme Yannick Xenakis d'être un ingénieur. Eh bien, il y a là quelque chose qui évidemment est caricaturé, mais qui prend source dans la façon dont Rousseau a mis en avant les valeurs de l'expression par le chant. Cette expressivité, eh bien, il me semble qu'on peut aussi l'entendre alors de manière anachronique, mais c'est mon choix. J'espère que vous le trouverez quand même légitime. Pour terminer cette émission, je vous propose Berlioz, et plus précisément, dans les nuits d'été, le spectre de la rose chanté par Régine Crespin, pour terminer cette émission. C'était Je l'entends comme je l'aime par François Noudelman, réalisation Nathalie Salle à la technique, Jean-Michel Bernot, Philippe Thibault et deux stagiaires, Laura et Vincent. Et bien sûr, toujours, avec la collaboration de Marianne Chasseur, Inès De Bruyne et Agnès Ollier. La semaine prochaine, mon invité sera le philosophe Slavoj Žižek. Alors là, ce sera Cap sur Wagner, accompagné de Heavy Metal. À dimanche prochain.